il passait pour toi le temps des accordailles. Autant tu leur plaisais aux filles de ton village. Tu étais bon danseur et bien joli garçon. Mais toi dans ta fierté tu les as ignorés. Allons là c'est d'attendre un signe de confiance vers les plus empressés. Elles se sont tournées. Est-il passé pour toi le temps des accordailles? Elles étaient bien jolies, les filles de ton village. En ces beaux soirs d'été, regards étincelants, quand elles soupiraient les plus entreprenants. Mais leurs jolis sourires savaient si bien nier ce que les mots parfois semblaient insinuer. Est-il passé pour toi le temps des accordailles? Parfois un doux regret voilait leurs beaux regards. De ne point te compter parmi ceux qui venaient faire leur marivaudage car elles auraient aimé les filles de ton village que tu sois parfois là avec les yeux brillants pour leur parler mariage. Est-il passé pour toi le temps des accordailles? Mais toi tu agissais comme si tu craignais de te piéger les doigts au fond d'un beau corsage. Et qu'as-tu donc trouvé dans tes vagabondages? Peut-être un jour de pêche dans un beau coin sauvage, traquer le gros gibier au sein des grands fourrés. Est-il passé pour toi le temps des accordailles? Ce n'est vraiment pas sage de courir les forêts quand il faudrait songer à la continuité et regarder les filles, choisir celle qui te plaît, en faire ta compagne, fondre un vrai foyer et goûter au bonheur d'aimer, d'être aimé. Est-il passé pour toi le temps des accordailles? On t'a vu bien souvent autour du mois de mai, sourire de bonheur devant un nid caché, avoir ces beaux oiseaux à porter la béquée, à leur jeune affamé qu'il faut en protéger, au sein d'un nid douillet que tu pourrais créer. Est-il passé pour toi le temps des accordailles? Il y en a parfois des femmes de ton âge qui meurtries par la vie rêvent d'un compagnon qui les protégerait lorsque le gros orage agite la maison et donne le frisson. Se réfugie alors entre deux bras serrés. Est-il passé pour toi le temps des accordailles? Si tu ouvres ton cœur tout comme tes deux bras, tu pourras écouter l'autre que deux cœurs fusionnent au matin d'un amour qui se réveille enfin. La plus éloquente de toutes les chansons, celle d'un corps vivant en douce part.